الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، ومن أسماء الله الحسنى الحكيم والحكم، وقد ورد اسم الله الحكيم في القرآن الكريم ما يقرب من 100 مرة، قال تعالى: وهو الحكيم الخبير، وقال تعالى: والله عزيز حكيم، وقال تعالى: والله عليم حكيم، وقال تعالى: وكان الله واسعا حكيما. وهذا الاسم العظيم دال على ثبوت كمال الحكم لله وكمال الحكمة. Parmi les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a également Al-Hakim, le sage, et Al-Hakam, le détenteur du jugement. Et le nom d'Allah, Al-Hakim, le sage, a été mentionné dans le Coran de très nombreuses fois, près de 100 fois. Dans Surat Al-An'am, dans Surat Al-Baqarah, puis dans Surat Al-Nisa, nous avons ces versets dont les traductions des sens sont: et c'est lui le sage parfaitement informé, et c'est lui le puissant le sage. Certes, Allah est savant et sage. Allah est plein de largesse et parfaitement sage. Donc à travers ces versets, nous avons l'affirmation du nom sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hakim, le sage. Et ce nom sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hakim, nous indique qu'il a la perfection du jugement et la perfection de la sagesse. Car dans le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hakim, nous pouvons tirer ces deux attributs. Premièrement, Al-Hukm, le jugement. Et deuxièmement, Al-Hikmah, la sagesse. Ainsi, on comprend que d'un seul nom, on peut avoir plusieurs attributs. Et parmi les règles connues, Asma'ullahi a'lamun wa usaf. Et parmi les règles connues, Asma'ullahi kulluha husna, li'annaha mutadamminatun li sifatin kamila la naqsa fiha biwajhin min al-wujuh, kama qala al-'allama ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Donc il faut savoir que parmi les règles dans ce sujet, l'étude des noms d'Allah, il y a le fait que tous les noms d'Allah sont sublimes, du fait qu'ils comprennent au minimum un attribut, ce dernier étant parfait, complet, non sujet à l'imperfection. Et le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hakim, comprend deux attributs. Il comprend deux attributs qui sont Al-Hukm, le jugement, et Al-Hikmah, qui est donc la sagesse. Amma kamal al-hukm fa bi thubuti anna Allah aw anna al-hukm lillah wahda yahkum bayna ibadi bima yasha wa yaqdi fihim bima yurid la radda li hukmihi wa la mu'aqqiba li qada'ihi. Quant à la perfection du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela se manifeste du fait que le jugement tout entier appartient à Allah, et cela exclusivement. Il juge entre ses serviteurs selon ce qu'il veut. Personne ne peut repousser son jugement et personne ne peut venir le discuter. Allah nous dit dans son livre: Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin wa qala ta'ala afaghayra Allahi abghi hakama wa qala ta'ala wa huwa khayrul hakimin كما قال تعالى إن الحكم إلا لله وقال تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا. Donc nombreux sont les versets qui qui témoigne de cela, le fait que le jugement tout entier appartienne exclusivement à Allah et que personne n'a la capacité, personne ne peut se permettre de réviser le jugement d'Allah, de discuter le jugement d'Allah, de remettre en cause le jugement d'Allah, de modifier le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surat At-Tin, donc la traduction de ces versets, Allah n'est-il pas le plus sage des justes? Dans Surat Al-An'am, chercherai-je un autre juge qu'Allah alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé? Dans Surat Al-A'raf, jusqu'à ce qu'Allah juge parmi nous, car il est le meilleur des juges. Dans Surat Al-An'am, le jugement n'appartient qu'à Allah. Il tranche en toute vérité et est le meilleur des juges. Dans Surat Al-Kahf, et il n'associe personne à son commandement ou à son jugement. Tous ces textes nous montrent que le jugement tout entier appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis l'auteur, hafidhahullah ta'ala, nous dit وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُرَاجِعَ اللَّهَ فِي حُكْمِهِ كَمَا يُرَاجِعُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي أَحْكَامِهِمْ قَالَ تَعَالَى وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فحكمه في خلقه نافذ لا راد له. Personne n'a la capacité de remettre en cause son jugement. Personne n'a la capacité de réviser le jugement d'Allah. Comme les gens se reprennent les uns les autres dans leur jugement. Allah nous dit dans Sourate Ar-Ra'd, c'est Allah qui juge et personne ne peut s'opposer à son jugement. Personne ne peut s'opposer à son jugement. Et il est prompt à régler les comptes. Donc le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, il est effectif, inéluctable et personne ne peut le repousser. Wa thubutu al-hukmi lahu subhanahu yatadhammanu thubuta جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا لأنه لا يكون حكما إلا سميعا بصيرا عليما خبيرا متكلما مدبرا إلى غير ذلك من الأسماء والصفات. L'auteur nous dit, en affirmant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Hakim, ou plutôt en affirmant cet attribut d'Allah, al-Hukm, le jugement, ça comprend forcément l'affirmation de l'ensemble des noms sublimes d'Allah et de ses attributs parfaits. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas avoir la perfection du jugement, si ce n'est en ayant la perfection de ses autres noms et attributs, comme le fait qu'il ait l'ouïe parfaite, la vue parfaite, la science parfaite, qu'il soit parfaitement informé, la perfection dans la parole, dans la gérance, dans l'administration, et autres noms et attributs. En d'autres termes, celui qui a la perfection du jugement a la perfection dans ses autres noms et attributs. Car une imperfection dans ses autres noms ou une imperfection dans ses autres attributs engendrerait forcément une imperfection dans son jugement. Et du fait qu'on dise qu'Allah a la perfection du jugement comprend forcément le fait qu'il ait la perfection dans les autres noms et les autres attributs. وفي هذا إبطال لجعل الحكم لغير الله. Ainsi, on rend caduc le fait d'attribuer le jugement à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الحكم لا يكون إلا لكامل الصفات الذي له الأمر وبيد التصرف. Pourquoi cela? Car le jugement ne peut être qu'auprès de celui qui a la perfection dans ses attributs. Qu'auprès de celui qui détient l'ordre et qui a dans sa main la gérance. وتأمل هذا المعنى في قوله تعالى فالحكم لله العلي الكبير وقوله تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ثم قال مبينا صفات من صفات من له الحكم ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم أي أن الذي له هذه الصفات والذي يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم ويجعل ذلك لغير وجعل ذلك لغيره أظلم الظلم وأعظم الجور أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون Donc, après avoir affirmé ce nom et ses attributs, on affirme forcément la perfection d'Allah dans l'ensemble de ses autres noms, de ses autres attributs. Et avec cela, on rend caduque le fait de pouvoir attribuer le jugement à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui détient l'ordre, celui qui détient le jugement, et celui ne peut être que celui qui a la perfection dans l'ensemble de ses attributs, qui décide de tout, qui administre tout. Et médite ces sens-là dans Surat Ghafir, dans Surat Al-Qasas et dans d'autres sourates. Dans ce verset, Allah nous dit sur la traduction des sens, le jugement appartient à Allah, le très haut et le très grand. Le jugement appartient à Allah, le très haut et le très grand. On nous mentionne qu'Allah c'est Al-Ali et Al-Kabir, donc on nous montre la perfection de ses noms et de ses attributs. Le fait qu'Allah Azza wa Jal soit le plus haut, le fait qu'Allah soit le plus grand. Après nous avoir dit que le jugement lui appartient à lui uniquement. Comme nous venons de le dire, le jugement ne peut être qu'auprès de celui qui a la perfection dans ses autres noms et de ses autres attributs. Ainsi on voit ce sens ici clairement. Fal hukmu lillah, le jugement appartient à Allah uniquement. Puis on nous dit Al-Ali, Al-Kabir, le plus haut, le très grand. Dans Surat Al-Qasas, c'est lui Allah. Nulle divinité n'est digne d'être adorée à part lui. À lui la louange, ici-bas comme dans l'au-delà. À lui appartient le jugement, et vers lui vous serez ramenés. À nouveau dans ce verset, on nous mentionne que c'est Allah. Le seul digne d'être adoré. À lui appartient la louange, dans ce bas monde et l'au-delà. Puis on nous dit que le jugement lui revient. On nous dit que le jugement lui revient. On fait un lien entre la perfection dans ses noms et ses attributs et le fait que le jugement lui revienne à lui exclusivement. Dans Surat Ash-Shura, sur toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah. Tel est Allah, mon Seigneur. En lui, je place ma confiance et c'est à lui que je retourne repentant. Donc, on nous dit que quelle que soit la divergence entre les gens, le jugement revient à Allah. Le jugement revient à Allah. Si deux personnes divergent, ils doivent revenir au Coran et à la Sunna pour juger. فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Et ça concerne toute affaire. Puis on nous explique en quoi, yani pourquoi, comment justifier que tout jugement revient à Allah. On nous montre la perfection de ses noms, la perfection de ses attributs, en nous disant ذَلِكُمْ اللَّهِ, voici Allah, Rabbi, mon Seigneur, عَلَيْ تَوَكَّلْتُ, c'est en lui, c'est sur lui que je compte et que à qui j'abandonne toute mon affaire, en lui je place toute ma confiance, وَإِلَيْهِ أُنِيبُ, c'est vers lui que je reviens repentant. Puis on nous dit فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, le créateur des cieux et de la terre, جَعَلَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, il vous a donné des épouses issus de vous-même et des bestiaux par couple, par ce moyen il vous multiplie. Il n'y a rien qui soit similaire à lui et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Il possède les clés des cieux et de la terre. Il attribue ses dons avec largesse ou les restreint à qui il veut. Certes, il est omniscient. Donc ici, on voit clairement la perfection des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la raison pour laquelle toute divergence doit être ramenée à Allah azza wa jal et on doit accepter son jugement. Wallah hawla wa la quwwata illa billah. Donc celui qui a ces attributs est le seul qui mérite de légiférer, de rendre licite, de rendre illicite, et attribuer cela à autre que lui, à autre qu'Allah Azza wa Jalla, alors qu'il est le seul à voir la perfection en ses noms et ses attributs, c'est de l'injustice. Ça fait partie des plus grandes transgressions et des plus grandes injustices. Dans Surat Al-Ma'ida, on nous dit أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. Recherche-t-il le jugement de la période anti-islamique? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا. Et qui est meilleur en matière de jugement qu'Allah? لِقَوْمِ يُقِنُونَ. Pour un peuple ou pour des gens ayant la certitude. كَمَا أَنَّ فِي ذَلِكَ دَلَالَةً على أن من هذا شأنه هو المستحق وحده أن يفرد بالذل والخضوع. قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Tout comme dans ces textes, on nous indique que celui qui a cette grandeur, que celui qui a cette place, est le seul qui mérite de la part de ses serviteurs l'humiliation, l'avilissement et le rabaissement. Dans Sourate Yusuf, on nous dit le jugement n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Dans Sourate Al-Qasas, on nous dit « N'invoque nulle autre divinité avec Allah. Point de divinité n'est digne d'être adoré à part lui. Tout doit disparaître, sauf son visage. À lui appartient le jugement, et vers lui vous serez ramenés. » Donc ici, on voit clairement le lien entre la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'on doit se soumettre à lui et l'adorer seul d'un culte sincère, et yani, le fait qu'il soit le seul juge et qu'il ait la perfection absolue. وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحَكَمِ فَفِي الْحَدِيثِ عَنْ هَانِ بْنِ يَزِيدِ الْحَارِثِ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَعَ قَوْمِ سَمِعَهُمْ يكنونه بأبي الحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم فلما تكن أبا الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا أو كلا الفريقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا فما لك من ولد قال لي شريع قال لي شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني رحمه الله. Parmi les noms d'Allah, il y a également Al-Hakam. Dans le hadith de Hani ibn Yazid, lorsqu'il est venu vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec une délégation, avec son peuple, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam les a entendus le surnommer Abu al-Hakam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donc convoqué et lui a demandé, il lui a dit, certes Allah, c'est al-Hakam, Et le jugement lui revient. Pourquoi est-ce que ton peuple t'appelle Abul Hakam? Il répondit, lorsque mon peuple diverge sur une chose, ils reviennent vers moi et je juge entre eux. Et lorsque je donne mon jugement, ils agréent cela de toutes parts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh comme c'est une bonne chose, oh comme c'est une bonne chose, d'y réunir les gens, les orienter, éviter les divergences, régler les soucis des gens, ainsi de suite. Puis il lui a dit, qu'as-tu comme enfant? Il lui a répondu, j'ai Shuraih, Muslim et Abdullah. Et il lui a dit, quel est le plus grand d'entre eux, le plus âgé? Et il lui a dit, Shuraih. Il lui a dit, désormais tu es donc Abu Shuraih. Il a corrigé sa kunya. Et ce hadith rapporté par Abu Daoud, Nasa'i et Al-Bukhari dans l'Adab Al-Mufrad, Cheikh Al-Albani dit qu'il est sahih. Qu'Allah les agrée tous. أما كمال الحكمة فبثبوت الحكمة له سبحانه في خلقي وفي أمري وشرعي حيث يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها وينزلها منازلها ولا توجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته ولا يقدح في حكمته مقال. Quant à l'affirmation de l'attribut d'Allah Azza wa Jalla, الحكمة qui signifie la sagesse. La sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est apparente et parfaite dans sa création, sur ses créatures, dans son ordre, dans sa législation, du fait qu'il a mis chaque chose où il était bon de la mettre. Parfaitement dans chaque domaine, chaque chose est à son endroit. Personne ne peut devant une action d'Allah Azza wa Jal dire mais pourquoi ceci ou pourquoi cela, ou critiquer la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, car elle est parfaite. Et la sagesse est le fait de mettre chaque chose où il convenait de le faire. Et Allah Azza wa Jal, de par la perfection de sa science, la perfection de sa sagesse, chaque chose est parfaitement où il est bon d'être. أما الحكمة في الخلق فإنه سبحانه خلق الخلق بالحق مشتملا على الحق وكان نهاية وغاية الحق. Quant au fait qu'Allah Azza wa Jal est créé avec sagesse, cela se manifeste dans le fait qu'Allah exempt soit-il de tout défaut, de toute similitude avec ses créatures. Allah a créé l'ensemble des créatures en toute vérité, pour la vérité. Et la finalité de cette affaire est la vérité. أوجدَهُ بِأَحْسَنِ نِظَامٍ وَرَتَّبَهُ بِأَكْمَلِ إِتْقَانٍ. Allah Azza wa Jal a parfaitement agencé sa création, a parfaitement ordonné cela. وأعطى كل مخلوق خلقه اللائقة به. Allah Azza wa Jalla a accordé la meilleure des formes à chaque créature selon ce qui lui convenait le mieux. Allah Azza wa Jalla a créé chaque chose et a accordé la forme la plus adéquate à chaque chose selon ce qui lui convenait. بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقه وهيئته اللائقة به. Plus encore, Allah Azza wa Jal a accordé la meilleure des formes à chaque partie du corps, à chaque partie du corps de chaque créature. Il a accordé la meilleure des formes, la meilleure des choses, la plus complète, la plus parfaite, la plus juste, la plus adéquate, pour chaque membre de chaque animal, pour chaque partie de chaque personne. Il l'a fait de la plus belle façon, de la meilleure forme. بِحَيْثُ لَا يُرَى فِي شَيْءٌ مِنَ التَّفَاوُتِ وَالْخَلَلِ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتِ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Et s'il nous cite une magnifique parole, il nous dit de sorte à ce que la personne qui regarde la création d'Allah Azza wa Jal ne peut ou ne puisse trouver le moindre défaut. Allah Azza wa Jal a créé la perfection de par sa sagesse, de sorte à ce que la personne qui regarde et qui observe les créatures d'Allah ne peut trouver le moindre défaut, ne peut trouver le moindre défaut et la moindre critique à apporter. Il ne peut pas dire tel membre n'est pas bien juxtaposé par rapport à tel autre, n'est pas bien en symétrie par rapport à tel autre. Non. À titre d'exemple, si tu observes l'homme, tu verras que son nez a la meilleure place par rapport à son visage, que sa bouche a la meilleure place par rapport à son visage, que ses lèvres ont la meilleure place par rapport à son visage, que sa langue a la meilleure place par rapport à sa bouche, et que ses dents ont la meilleure place par rapport à sa langue et par rapport à ses lèvres, et ainsi de suite. Que son oreille a la meilleure place par rapport à l'autre oreille, et ainsi de suite. Allah Azza wa Jalla a parfaitement créé Ibn Adam et parfaitement créé les autres créatures, de sorte à ce que lorsque tu observes cette créature, en imaginant, en réfléchissant, si l'ensemble des créatures se réunissaient pour et réfléchir à mieux faire, il ne pourrait le faire. Et dans Suratu Al-Mulk, on nous dit, après avoir mentionné la création des cieux, des sept cieux superposés sans que tu vois de disproportion en la création du Tout Miséricordieux. C'est ça le terme, il n'y a aucune disproportion. Ramène le regard, il ramène sur cette création, la création d'Allah, à nouveau ton regard, et vois si tu vois une brèche, vois si tu vois un problème quelconque, puis retourne ton regard à deux fois, le regard te reviendra humilié et frustré. وَلَوْ اجْتَمَعَتْ عُقُولُ الْخَلْقِ عَلَىٰ أَنْ يَقْتَرِحُوا مَثَلًا أَوْ أَحْسَنَ مِنْ هَذِي الْمَوْجُودَاتِ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَىٰ ذَلِكَ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ صنع الله الذي أتقن كل شيء. Si l'ensemble des raisons parmi les créatures s'unissent pour essayer de ramener meilleur que ce qu'Allah Azza wa Jal a fait, il ne pourrait le faire. Et dans Suratu An-Naml, telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. وَإِذَا كَانَ مِنَ الْمُتَقَرِّرِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَهُ الْكَمَالُ الَّذِي لَا يُحِيطُ بِهِ الْعِبَادُ وَأَنَّهُ مَا مِنْ كَمَالٍ تُفْرِضُهُ الْأَذْهَانُ وَيُقَدِّرُهُ الْمُقَدِّرُونَ إِلَّا وَاللَّهُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَجَلُ فَإِنَّ أَفْعَالَهُ وجميع ما أوصله إلى الخلق أكمل الأمور وأحسنها وأنظمها وأتقنها فالفعل يتبع في كماله وحسنه فاعله والتدبير منسوب إلى مدبره والله تعالى كما لا يشبه أحد في صفاته في العظمة والحسن والجمال فكذلك لا يشبه أحد في أفعاله. Ici l'auteur nous dit une magnifique parole lorsqu'il nous dit, et il est certes connu de tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la perfection absolue, que ses serviteurs ne peuvent t'embrasser de leur science. Et toute perfection que pourrait t'imaginer les raisons et que pourraient estimer les créatures, Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus parfait que cela. Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus sublime que cela. Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus immense que cela. Car certes, les actions suivent celui qui les fait. Les actions suivent celui qui les fait. Et tout ça, c'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ben quoi que tu en dises, c'est encore meilleur que cela. Car quoi que tu dises d'Allah, Allah est encore meilleur que cela. Quels que soient les termes que tu puisses utiliser et attendre pour décrire la sublime création d'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala, sa création est encore plus belle et encore plus magnifique, encore plus sublime, encore plus parfaite. Et certes, l'acte suit dans sa perfection la perfection de celui qui l'a réalisé. Et certes, la gérance est attribuée au gérant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, certes, nul ne lui est semblable et nul ne peut ressembler à Allah dans ses attributs, dans sa grandeur, dans sa bonté et sa beauté. De la même façon, personne ne peut s'associer à Allah dans ses actes. Dans ses actes. Wa amma al-hikmatu fi amri wa shar'i. Donc là, nous avons parlé de la sagesse d'Allah dans sa création et ses créatures. Passons maintenant à la sagesse d'Allah dans son ordre et sa législation. فَإِنَّهُ تَعَالَى شَرَعَ الشَّرَائِعَ وَأَنزَلَ الْكُتُبُ وَأَرْسَلَ الرُّسُلُ لِيَعْرِفَهُ الْعِبَادُ وَيَعْبُدُوهُ فَلَمْ يَخْلُقْهُمْ هَمَلًا وَلَمْ يُوجِدْهُمْ سُدًى بَلْ خَلَقَهُمْ لِأَكْمَلِ الْمَقْصَدِ وَأَوْجَدَهُمْ لِأَجَلِّ الْغَايَةِ. Quant à la sagesse dans son ordre et sa législation, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré les législations et a révélé les livres et a envoyé les messagers afin de se faire connaître auprès de ses serviteurs. Pour qu'ils le connaissent et l'adorent, il ne les a pas créés en vain et ne les a pas abandonnés ainsi, sans leur donner d'ordre ni d'interdit, mais les a plutôt créés pour le but ultime et la sagesse la plus noble. Il les a créés à partir du néant pour une grande sagesse et un grand but qui n'est autre que de l'adorer seul sans jamais rien lui associer. Allah Azza wa Jal nous a créés. Puis il a légiféré, a fait descendre les livres, a envoyé les messagers pour que ces messagers, ces prophètes nous enseignent qui est Allah, pour qu'ils nous enseignent ses noms, ses attributs, qu'ils nous fassent paraître de sa perfection. Et quand les serviteurs vont connaître Allah, ils n'auront d'autre choix si ce n'est de l'aimer, si ce n'est de le vénérer, de l'immensifier, de le craindre, de le redouter. Et ils vont donc chercher à l'adorer. Ils vont demander qu'est-ce qu'Allah nous a ordonné, qu'est-ce qu'Allah nous a interdit. Donc Allah nous a créé pour qu'on le connaisse et pour qu'on l'adore seul d'un culte sincère. Pour qu'on le connaisse et qu'on l'adore seul d'un culte sincère. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Dans Sourate Az-Zariyat. Et dans l'autre verset, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna li ta'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Quant à la sagesse de nous avoir créés pour qu'on l'adore seul d'un culte sincère, le verset a été mentionné. Quant à la sagesse de nous avoir créés pour qu'on le connaisse et qu'on connaisse de sa perfection, Allah est celui qui a créé sept cieux. Pareillement pour les terres. L'ordre se succède entre les deux. Pour que vous sachiez. Pourquoi tout ça? Pour que vous sachiez qu'Allah est parfaitement omnipotent. Qu'Allah est capable de tout. Qu'Allah est parfaitement omnipotent et qu'il a embrassé de sa science toute chose. Voilà, Allah nous a créés pour qu'on le connaisse et pour qu'on l'adore seul d'un culte sincère. Voici la grande réponse à cette grande question. Pourquoi Allah nous a créés? Allah nous a créés et Allah c'est le Al-Hakim. C'est le sage, Al-Hakim, lahul hikma, et la sagesse de notre création est celle-ci. Wa ma'rifatu ta'ala wa 'ibadatu wa ma'rifatu ta'ala wa 'ibadatu wahda la sharika lahu allati hiya maqsud al-khalq hiya afdal al-'ataya minhu ta'ala li'ibadi 'ala al-itlaq wa ajallu al-hibat wa ashrafu al-minan liman يمن الله عليه بها ويكرمه ببلوغها وتحقيقها وهي أكمل السعادة والفلاح والسرور للقلوب والأرواح بل هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي. الله أكبر. Écoutez avec vos cœurs avant vos oreilles. Notez et retenez. Un cheikh nous dit et sa connaissance, la connaissance du Très-Haut, yani la connaissance du serviteur que peut avoir le, yani qu'il peut avoir de son Seigneur. C'est-à-dire, si Allah te permet de le connaître, si Allah te permet, ou toi le serviteur, de le connaître, donc, et sa connaissance, c'est-à-dire la connaissance qu'aura le serviteur de son Seigneur, et sa connaissance et son adoration seule d'un culte sincère, c'est-à-dire si Allah t'a donné les deux sagesses pour lesquelles il nous a créés, donc connaître Allah et l'adorer avec le tawhid seul d'un culte sincère, et cela est certes le but de la création, c'est le plus grand don que tu peux recevoir de la part d'Allah. C'est le plus grand don que tu peux recevoir de la part d'Allah. C'est le plus grand don par lequel Allah comble ses serviteurs de manière absolue. Et c'est le cadeau le plus sublime et la noblesse la plus grandiose qu'Allah, par laquelle Allah comble son serviteur. S'il lui permet de concrétiser cela, si Allah, ô toi le serviteur, t'a permis de le connaître à travers le Coran, à travers la Sunna, à travers ses noms, à travers ses attributs, à travers les cours, à travers les enseignements, à travers l'apprentissage et la méditation, si Allah t'a donné sa connaissance, puis si Allah t'a permis d'être un musulman, un mouahid, un monothéiste qui adore Allah seul sans jamais rien lui associer, sache qu'il t'a fait don de la chose la plus grandiose, du bienfait le plus incommensurable, de l'honneur inquantifiable, inqualifiable. Il t'a honoré, il t'a comblé d'un honneur que personne ne pourra dépasser. Et il nous dit, c'est le bonheur le plus complet. Si tu connais Allah et tu l'adores seul d'un culte sincère, sache que c'est le bonheur le plus complet. C'est la réussite la plus parfaite. C'est la joie pour les cœurs et pour les âmes que ne peut concurrencer aucune autre joie. C'est même l'unique et seule cause pour avoir le bonheur éternel et la joie ininterrompue. Allahu Akbar. Kalamun jamilun jiddan. Est-ce qu'on a considéré ce bienfait, Ikhwan al-Kiram, mes chers frères, est-ce qu'on a considéré réellement ce bienfait? Le fait de pouvoir étudier les noms d'Allah, le fait de pouvoir connaître Allah. Tu entends Allah, tu sais ce que ça signifie. Tu entends Ar-Rahman, Ar-Rahim, tu sais ce que ça signifie. Al-Hayy, Al-Qayyum, tu sais ce que ça signifie. Tu connais ton Seigneur, tu connais ton Créateur. Tu sais le seul que tu dois adorer, qui il est. Tu connais de sa perfection, de sa beauté, de sa grandeur. Ça, c'est le plus grand bienfait. Ça, c'est le don inestimable. Celui à qui Allah a donné cela, il doit remercier Allah de jour comme de nuit. Et il n'aura pas fait assez. Deuxièmement, si Allah t'a permis d'être son serviteur volontaire, de venir vers lui, délaisser les péchés, te repentir à chaque heure, si Allah t'a permis de dire « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » de faire al-wudu chaque jour, de te prosterner, de prier chaque jour, de revenir vers Allah avec toute forme d'adoration, et de savoir que l'adoration c'est le droit d'Allah seul sans jamais rien lui associer, que c'est son droit à lui et à nul autre que lui, Allah t'a tout donné. Allah t'a donné ce qu'il n'a pas donné à la plupart de ses serviteurs. Allah a fait de toi un abd, un serviteur volontaire, un serviteur muslim wahid, un croyant, un serviteur qui n'a entre lui et l'entrée au paradis que la mort. Allah Azza wa Jal t'a comblé de ses bienfaits. Et celui qui a ça, quelle que soit la chose qu'il a manqué, il ne sera pas en retard. Mais celui qui n'a pas ça, quelle que soit la chose qu'il a pu amasser de ce bas monde, il sera en retard et il n'aura que peu de provisions pour son voyage vers l'au-delà. Et il aura raté ça, la sagesse de sa création. Il aura raté plutôt le but de sa création. Et il n'aura pas atteint la sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jal l'avait créé. إضافةً إلى هذا فإن شرعه قد اشتمل على كل خير فأخبره تمله القلوب علما وعقائد صحيحة وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافها ويحصل لها أفضل المعارف وأجل العلوم وأوامر كلها منافع منافع ومصالح وتثمر الأخلاق الجميلة والخصال الكريمة والأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والهدي الكامل ونواهيه كلها موافقة للعقول الصحيحة والفطر السليمة والفطر السليمة فلم ينهى إلا عما يضر الناس في عقولهم وأخلاقهم وأعراضهم وأعراضهم وأبدانهم وأموالهم. Ajoutons à cela que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala comprend tout le bien et que le bien. Allah légifère avec sagesse et c'est le sage. Ainsi, tout ce qu'il a légiféré, c'est du bien et c'est pour notre bien. Ça n'est que du bien et ça n'est que pour notre bien. Toute information émanant d'Allah remplit le cœur du serviteur de science, remplit le cœur du serviteur de bonne croyance, réforme et ordonne le cœur du serviteur et le purifie. Son égarement se corrige de par les informations qu'il reçoit d'Allah Azza wa Jal. Le mal de ce cœur, l'égarement de ce cœur, le penchant de ce cœur se corrige. Ainsi, les plus grandes connaissances et les plus nobles pénètrent ce cœur. Les plus grandes sciences et les plus immenses habitent désormais ce cœur. Passons maintenant, ça c'était pour les informations. Et certes, la législation d'Allah, elle comprend trois choses. Quand tu lis le Coran, quand tu vois la législation d'Allah, tu trouveras trois choses. La première, ce sont des informations. Et l'auteur vient de nous dire que les informations remplissent les cœurs de science, de bonne croyance, corrigent les cœurs, et ainsi de suite. La deuxième chose que tu trouveras dans la législation, ce sont les ordres. Et la troisième, ce sont les interdits. Voyons ce que nous dit ici l'auteur concernant les ordres et concernant les interdits. Quant aux ordres, ils ne sont que utilité et bénéfice. Quant aux ordres, ils ne font qu'apporter bon comportement, noble caractère, action pieuse et obéissance vertueuse. Les ordres ne font qu'amener la guidée parfaite et la voie la meilleure et la meilleure des voies. Et pour finir, ces interdits ne sont que en adéquation avec l'Esprit Saint, avec la raison saine, avec la prime nature qui n'a pas été altérée. C'est-à-dire que tout ce qu'Allah nous a interdit, celui qui a la raison saine reconnaîtra que ça n'est que du bien pour nous. Le fait de se tenir aux interdits d'Allah, de ne pas les commettre. Toute personne qui a la raison saine verra que ce qu'Allah nous a interdit, de le faire, c'est notre mal. De le faire, c'est notre anéantissement. De le faire, c'est notre égarement. Mais pour ce faire, pour arriver à ce résultat, il faut avoir la raison saine. Et il faut que le fitra n'ait pas été altéré. Allah nous a interdit que ce qui est mauvais pour nous. Allah nous a proscrit que ce qui pouvait nuire à nos raisons, à nos comportements, à notre honneur, à notre corps, à notre argent. Il faut avoir la certitude de cela. Et cette certitude n'est que le fruit en réalité de la connaissance d'Allah. Car si tu sais qu'Allah est savant et sage, ben tu auras présent cela dans ton cœur. Et tu ne diras pas oui mais ceci, oui mais cela, mais moi je veux plutôt comme ça et moi je veux plutôt comme ceci. Non. Mais tu diras Allah, mon créateur, mon Seigneur, celui qui a légiféré cela et celui qui me connaît. Et il m'a ordonné que ce qui était bon pour moi. Et il m'a interdit que ce qui était mauvais pour moi. C'est ainsi que doit réfléchir. C'est ainsi que doit croire le croyant. Qu'Allah Azza wa Jal a guidé sur cette noble religion. وَمِنْ حِكَمِهِ وَحِكْمَتِهِ وَمِنْ حُكْمِهِ وَحِكْمَتِهِ سُبْحَانَهُ مُجَازَاتُ الْمُحْسِنِ بِإِحْسَانِ وَالْمُسِيءِ بِإِسَاءَتِهِ. Parmi le jugement d'Allah et sa sagesse, le fait qu'il rétribue chacun en fonction de ses œuvres. Celui qui a fait le bien, il le rétribuera avec le bien, avec excellence. Et celui qui a fait le mal, ben il recevra en fonction de ce qu'il faisait. Allah nous dit هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال في شأن المسيء ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء فلا يسوي سبحانه بين المحسن وبين محسن ومسيء لا في الدنيا ولا في الآخرة أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وهذا من كمال عدله وهو مناسب غاية المناسبة لحكمة أحكم الحاكمين سبحانه. Enfin, l'auteur nous dit, de par son jugement et sa sagesse, il rétribuera ceux qui ont bien agi avec le bien et l'excellence, et ceux qui ont mal agi avec ce qu'ils méritent. Allah nous dit dans Sourate Ar-Rahman, concernant ceux qui ont bien agi, y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien ? Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien ? Et concernant ceux qui ont mal agi dans Sourate Ar-Rum, puis mauvaise fut la fin de ceux qui faisaient le mal. Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas la même chose et ne rend pas égal de celui qui agit en bien, celui qui agit en mal. Ni égal de celui qui agit en mal, celui qui, yani il ne joint pas dans la rétribution ceux qui ont fait le mal et le bien. Mais il donne le bien à ceux qui ont fait le bien. Et plus encore, et il donne ceux, et il rétribue de par sa justice ceux qui ont fait le mal selon ce qu'ils méritent. Il ne les a pas rendus égaux ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. Ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. Penses-tu que ceux qui ont commis le mal seront ou auront la même chose que ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres durant leur vie et leur mort? Quelle mauvaise chose ou bien quelle mauvaise façon de juger? Vous reviendrez à la traduction des sens du verset. Et cela nous montre la perfection de sa justice. Et c'est parfaitement en concordance avec la sagesse du plus juste des juges, subhanahu wa ta'ala. Voici pour l'explication des noms d'Allah, Al-Hakim et Al-Hakam. Wa min asma'illahi subhanahu wa ta'ala, Al-Husna, Al-Ghani. Parmi les nobles noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a également Al-Ghani. Le riche. وقد ورد هذا الاسم في 18 موضعا من القرآن. قال تعالى وربك الغني ذو الرحمة. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Ghani a été mentionné dans 18 endroits du Coran. Dans 18 endroits du Coran. Dans Surat Al-An'am, dans Surat Fatir, dans Surat Luqman, à titre d'exemple, on trouve « Et ton Seigneur est le suffisant à soi-même ». Ils ont traduit Al-Ghani par « Celui qui se suffit à lui-même ». Dhur Rahma, le détenteur de la miséricorde. Dans Surat Fatir, ô vous les hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah. Et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout. Il est le digne de louange. Dans Surat Luqman, à Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et en terre. Allah est celui qui se suffit à lui-même. Il est le digne de louange. فهو تبارك وتعالى الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات. الله سبحانه وتعالى c'est le riche de par son essence, celui qui se suffit à lui-même, celui qui a la richesse et la suffisance totale et absolue de tout point de vue. لِكَمَالِهِ وَلِكَمَالِ صِفَاتِهِ. Parce qu'Allah est parfait en lui-même. Et parce qu'Allah a la perfection dans l'ensemble de ses attributs. أَلَّتِ لَا تَتَرَّقُ إِلَيْهَا نَقْصٌ بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ. Et ces attributs-là ne sont pas sujets à l'imperfection, ni au défaut. De quelque point de vue que ce soit, Allah Azza wa Jalla ne peut avoir de défaut, ni dans ses noms, ni dans ses attributs. وَلَا يُمْكِنُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَنِيًّا. Il ne peut être qualifié si ce n'est de par la perfection. On ne peut dire de lui si ce n'est qu'il se suffit à lui-même et qu'il a la perfection de la richesse. Ça ne peut être autrement. لِأَنَّ غِنَاهُ مِنْ لَوَازِمِ ذَاتِ. Parce que sa suffisance et sa richesse accompagnent toujours son essence. Elles sont plutôt sont toujours. Et cela de par essence, c'est pas par une cause extérieure. C'est pas par une cause extérieure, mais c'est Allah qui est parfait. C'est Allah qui est parfaitement riche et qui se suffit à lui-même de par son essence. Fa kama la yakunu illa khaliqan raziqan rahiman muhsinan, fa la yakunu illa ghaniyan min jami'il khalq, aw an jami'il khalq, wa la ihtaju ilayhim biwajhin min alwujuh. Tout comme on ne peut dire d'Allah si ce n'est qu'il est créateur, pourvoyeur, très miséricordieux, bienfaiteur et ainsi de suite, on ne peut dire de lui si ce n'est qu'il se passe largement de toutes ses créatures, qu'il se suffit et qu'il n'a besoin d'aucune de ses créatures. Il n'a besoin d'eux, il n'a pas besoin d'eux, et cela de quelque point de vue que ce soit. وَلَا يُمْكِنْ أَنْ يَكُونُوا كلهم إلا مفتقرين إليه من كل وجه. Ça c'est concernant Allah. Et concernant ces créatures, l'auteur nous dit, quant à eux les créatures, ils ne peuvent être si ce n'est besogneux devant Allah. Ils ne peuvent être si ce n'est dans le besoin devant les bienfaits d'Allah, devant les dons d'Allah. Et cela de tout point de vue que ce soit. لا يستغنون عن إحسانه وكرمه وتدبيره وتربيته العامة والخاصة طرفة عين. Ils ne peuvent se passer d'Allah, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, ni de sa bienfaisance, ni de sa générosité, ni de sa gérance et son administration, ni de l'éducation générale qu'il leur accorde, ni de la particulière. Ils ne peuvent se passer de tout cela, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. وكل من في السماوات والأرض عبيد له. Et tous ceux qui se trouvent dans les cieux et la terre sont ses serviteurs. مقهورون بقهري مصرفون بمشيئتي. Ils sont tous sous sa domination. Ils avancent tous selon sa volonté. ولو أهلكهم جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة. الله أكبر. Et s'il les anéantissait tous, si Allah Azza wa Jal anéantissait l'ensemble de ses serviteurs, cela ne diminuerait en rien sa puissance, son pouvoir, sa royauté, sa seigneurie, sa divinité, ne serait-ce que le poids d'une petite fourmi. Subhanallah. Yani de par la perfection de sa richesse, si tous ses serviteurs disparaissaient, ça diminuerait en rien de sa puissance, en rien de ce qu'il possède, en rien de sa seigneurie, en rien du fait qu'il soit le digne d'être adoré. À l'inverse, ou plutôt, فَمِنْ كَمَالِ غِنَا أَنَّهُ لَا تَنْفَعُ طَاعَةَ الطَّائِعِينَ. De par la perfection de sa suffisance et sa richesse, aucune obéissance d'un serviteur ne lui ajoute à son royaume ni ne lui est utile. Celui qui fait une bonne action, ou si tout serviteur se met à faire de bonnes actions, à adorer Allah, ça n'ajoute en rien chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'ajoute en rien, ça n'est utile en rien, ça n'apporte aucune utilité, bénéfice à Allah. Ça n'apporte aucune utilité ni aucun bénéfice à Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَذُرُّهُ مَعْصِيَةُ الْعَاصِي. Pareillement, aucun péché de serviteur désobéissant nuit à Allah. Quand ils obéissent, ça ne lui ajoute rien, ça ne lui est d'aucune utilité. Et quand ils lui désobéissent, ça ne lui nuit en rien et ça ne lui enlève rien. فَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِهِ شَيْئًا وَلَوْ كَفَرُوا جَمِيعًا لَمْ يَنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِهِ شَيْئًا. Si l'ensemble des habitants de la terre avaient eu la foi, cela n'aurait rien ajouté au royaume d'Allah. Et s'ils avaient tous mécru, cela n'aurait rien diminué au royaume d'Allah. قال تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Celui qui se montre reconnaissant, il n'est reconnaissant que pour lui-même. Et celui qui est ingrat ou mécroit, certes, mon Seigneur est riche et noble. Allah Azza wa Jalla se suffit à lui-même et il est noble. Quiconque cependant est avare l'est à son détriment. Allah est le suffisant à soi-même alors que vous êtes les besogneux. وقال تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Et celui qui fait des efforts, il ne le fait que pour lui-même. Certes, Allah se passe largement des mondes. Certes, Allah se passe largement des mondes. Il n'en a aucunement besoin. وقال تعالى فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وقال تعالى إن تكفر أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Et ils ont mécru et se sont détournés. Et Allah, l'excellence de la richesse, de la suffisance. Allah est le riche, le digne de louange. Dans l'autre verset, dans sourate Ibrahim, si vous mécroyez, vous et tous ceux qui se trouvent sur la terre, certes Allah est le riche, le digne de louange. Et dans le hadith Qudusi, يقول الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا وقال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني رواه مسلم. Et dans le hadith Qudusi, rapporté par l'imam Muslim, le hadith Atam divin, on trouve qu'Allah Ta'ala nous dit, sur la traduction des sens, c'est le hadith Abu Dhar, ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, si les hommes et les djinns parmi vous avaient le cœur le plus pur, Ani le plus rempli de piété d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, si les hommes et les djinns parmi vous avaient dans le cœur toute l'impiété du plus impie parmi vous, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Ainsi, si on réunit tous les hommes et tous les djinns et on leur met le cœur le plus pieux, cela n'ajouterait rien au royaume d'Allah. Et si ils avaient le cœur le plus impie, cela ne diminuerait en rien du royaume d'Allah. Ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, si les hommes et les djinns parmi vous se tenaient, Tayyib, ô mes serviteurs, vous ne serez, ou bien vous ne pourrez atteindre m'être utile et m'accorder utilité, vous ne saurez me nuire et m'apporter nuisance. Wa min kamal ghina anna infaq al munfiqin wa badhl wa badhl al badhilin fi sabili wa ibtira mardati la yanfa'u shay. Et de par la perfection de sa richesse et sa suffisance, tout ce que dépensent les gens et tout ce que donnent les gens dans son chemin à la recherche de l'agrément d'Allah, à la recherche de sa satisfaction, ne lui est d'aucune utilité. Celui qui donne, il se fait du bien à lui-même et il n'apporte rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika shuhha ash-shahihina وبخل البخلاء لا يضره شيئا قال الله تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزق ما كسبتم ومما خرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Donc tout comme ceux qui dépensent à la recherche de l'agrément d'Allah n'apportent aucun bénéfice à Allah, les avares, lorsqu'ils se montrent avares, ne nuisent aucunement à Allah. Allah nous dit dans sourate Muhammad: et celui qui se montre avare ne fait que se montrer avare envers lui-même. Allah, lui, est le riche et vous, vous êtes les pauvres. Et si vous vous détournez, il vous remplacera par d'autres personnes. Et dans sourate Al-Baqarah, Allah appelle les croyants, vous qui avez cru, dépensez des bonnes choses de ce que nous vous avons attribué et de ce que nous avons fait sortir de la terre. Puis on nous dit de ne pas dépenser de ce qui n'est pas bon. Et à la fin du verset, on nous dit: et sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Donc on nous montre bien ces sens-là, c'est-à-dire dépenser de ce qui vous rapproche d'Allah, dépenser afin de vous rapprocher d'Allah, et ne donnez pas ce qui n'est pas bon, mais sachez qu'Allah n'a pas besoin de cela. Allah n'a besoin de rien. Donc on nous éclaircit ce sens-là. Allah Azza wa Jal est riche et il a besoin de personne. Si on le loue, ça n'ajoute rien à sa royauté parce que c'est le Rani. Il se suffit à lui-même et il a la perfection absolue de la richesse. Si on le loue et on l'adore, ben il mérite cela de notre part. Qu'on le fasse ou non, Allah c'est le Hamid. Et si on le fait, on ne l'enrichit pas parce que c'est El Rani. Il se suffit à lui-même et la perfection de la richesse. Donc au final, tout le bien revient à qui si on le fait? Et tout le mal retombe sur qui si on ne fait pas le bien? Sur nous-mêmes, serviteurs que nous sommes. Wa min kamal ghina تنزه تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب فمن نسب إليه تعالى نقصا فقد نسب إليه ما ينافي غناه ما ينافي غناه. قال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. Et de par sa, la perfection de sa richesse, sa suffisance, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit exempt de toute imperfection et de tout défaut. Ainsi, celui qui dit qu'Allah a des défauts, il aura contredit la perfection d'Allah dans sa suffisance et sa richesse. C'est pour cela dans le verset de Surat Yunus, on trouve, et ils ont dit, le Toum, ils ont dit, Allah s'est attribué un enfant. Exempt soit-il. C'est le riche, c'est celui qui se suffit à lui-même. Le fait qu'il se suffit à lui-même, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de défaut, parce qu'il a la perfection de la richesse et de la suffisance. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Et parmi ceux qui nous montrent encore qu'il a la perfection de la suffisance et de la richesse, le fait qu'il n'ait aucun associé et aucun égal. Comment id kayfa yusawwa turab bi rabbil arbab? Comment est-ce qu'on pourrait rendre la poussière, ce qu'il y a sur le sol, ce de quoi est créé Adam alayhi salam, comment est-ce qu'on pourrait prendre ça et dire que c'est égal au Seigneur des créatures? Comment est-ce qu'on pourrait rendre égal le pauvre de par son essence, le faible de par son essence, l'incapable de par son essence, le besogneux de par son essence? Comment est-ce que celui-ci, celui qui est voué à disparaître, comment est-ce qu'on pourrait le rendre l'égal du riche par excellence, du parfaitement omnipotent par excellence, de par son essence, celui qui a la perfection de la richesse, de la suffisance, de la capacité, de la royauté, de la bienfaisance, de la science, de la miséricorde, il a la perfection absolue, et cela de par son essence. Comment est-ce qu'on pourrait rendre égal le serviteur assujetti au Seigneur dominateur qui dirige l'ensemble de ses serviteurs, qui administre parfaitement toutes leurs actions? Et on trouve dans le verset: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Ont certes mécru ceux qui ont dit Allah est El Messie, fils de Mariam. Dit: qui est-ce qui pourrait faire quelque chose contre Allah s'il voudrait anéantir le Messie, fils de Mariam, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre? À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre, et tout ce qui se trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut, et Allah est parfaitement omnipotent. De par la perfection de sa subsistance et sa richesse, il possède tous les trésors des cieux et de la terre, tout cela est dans sa main. Et il donne avec largesse à ses serviteurs de jour comme de nuit. Allah appartient à ce qu'il y a dans les cieux et la terre, c'est lui le riche, digne de louange. De par la perfection de sa richesse, il répond aux demandes de ses serviteurs à chaque instant. Allah Azza wa Jal dit aux serviteurs de lui demander, puis il leur donne avant qu'ils demandent, lorsqu'ils demandent et même lorsqu'ils ne le demandent pas. ومن كمال غناه أنه يدعو عباده إلى سؤاله كل وقت وعدهم عند ذلك بالإجابة مهما عظم السؤال ويأمرهم بعبادته وعدهم القبول والإثابة وهو تبارك وتعالى واسع الفضل جزيل النوال وقد آتاهم من كل ما سألوا وأعطاهم كُلَّمَا أَرَادُوهُ وَتَمَنَّوهُ. L'auteur nous dit que de par la perfection de la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il invite ses serviteurs à lui demander cela à chaque instant, et il leur a promis de les exaucer et de leur répondre. Même si la demande est immense, cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ordonne à ses serviteurs de l'adorer, puis il leur promet l'acceptation et la récompense. Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Il leur a donné de tout ce qu'ils lui ont demandé et tout ce qu'ils ont espéré. ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أهل السماوات والأرض وأول الخلق إلى آخرهم في صعيد واحد فسألوا كل ما تعلقت به مطالبهم وأعطاهم سؤالهم لم ينقص ذلك مما عنده. Parmi la, ce qui nous montre la perfection de la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que si l'ensemble des habitants des cieux et de la terre, du premier qu'Allah a créé jusqu'au dernier, se réunissaient sur une seule et même place, et que chacun demandait à Allah subhanahu wa ta'ala leurs besoins ou ses besoins, et qu'Allah accorde à chacun sa demande, cela ne diminuerait en rien de ce qu'Allah possède. Ya ibadi law anna wa lakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إلى إذا أدخل في البحر. On nous dit, cela ne diminuerait, si Allah donnait à chacun selon sa demande, cela ne diminuerait en rien ce qu'Allah possède, si ce n'est à l'image de l'aiguille qui est entrée dans la mer lorsqu'on la ressort. ومن كمال غناه العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يمكن وصفه أو وصفه ما يبسط تبارك وتعالى على أهل الإيمان في جنات النعيم من صنوف اللذات وأنواع النعيم وطيب المنن مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. Parmi ce qui nous montre la richesse suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle que personne ne peut estimer, personne ne peut décrire, ce qu'Allah va accorder aux gens de la foi au paradis. Une diversité de délices, de plaisirs, ces grâces et ces dons, des choses que personne n'a vues avec ses yeux, jamais des yeux n'ont vu, jamais des oreilles n'ont pu entendre, plus que cela, personne n'a jamais pu l'imaginer avec son cœur. C'est pour cela qu'on nous dit dans sourate As-Sajda, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. On nous informe que personne ne sait ce qu'Allah Azza wa Jal a réservé en récompense de ce qu'ils œuvraient. فَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ بِهَذَا الْوَصْفِ الْعَظِيمِ عَرَفَ نَفْسَهُ. Pour finir, l'auteur nous dit, celui qui connaît son Seigneur à travers cet attribut immense, il se connaîtra lui-même. C'est-à-dire en connaissant la perfection d'Allah à travers cet attribut, tu connais toi ton imperfection, toi ton besoin. Celui qui connaît désormais son Seigneur par la richesse absolue et la suffisance complète et parfaite, connaît déjà désormais son besoin absolu. Et celui qui connaît désormais son Seigneur par la capacité absolue se connaît désormais lui-même par afouane par son imperfection totale. Et celui qui connaît son Seigneur à travers la puissance absolue connaît sa faiblesse absolue. Celui qui connaît la perfection d'Allah à travers, ou son Seigneur à travers sa science complète et sa sagesse, connaîtra sa propre personne à travers son ignorance. Wa ilmu al-abdi biftiqarihi ila Allah alladhi huwa thamaratu hadhihi al-ma'rifati huwa 'inwanu sa'adati al-'abdi fala wa fala wa ilmu al-'abd biftiqarihi ila Allah. Le fait que le serviteur ait connaissance de son besoin devant Allah ou son besoin d'Allah est le fruit de cette connaissance. Alladhi huwa thamaratu hadhihi al-ma'rifa wa 'inwanu sa'adati al-'abd. Si le serviteur a cette science, c'est-à-dire qu'il a besoin d'Allah, alors ça sera le signe de sa réussite. Ça sera le signe de sa réussite. Celui qui sait qu'il ne peut pas se passer d'Allah, c'est celui-ci qui obtiendra la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà, fi dunya wal akhirah. والله أعلم وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.